Quel rock'n'roll ça avec vous!

try to bear my loneliness. With every step I take away, so long, so far, I turned all the stars into the night. I made a different one, so deep in my mind, a place where I can't be hurt. Radio Arc-en-Ciel, Didier & Co, Didier au micro. Et nous sommes toujours dans la deuxième partie avec les artistes locaux et régionaux. Et je vous invite à aller, on va faire la grosse matinée avec la tournée du Baron un dimanche matin.